Que ce soit pour le démarrage, l'acquisition ou le développement de votre entreprise, la SADC Maria Chapdelaine peut vous aider à réaliser vos projets. Notre équipe est là pour vous aider à valider une occasion d'affaires, faire un montage financier, rechercher du financement et même participer à ce financement dans certains cas. Contactez-nous au 276-0405 ou encore via le www.sadcmaria.qc.ca. La SADC vous rappelle l'importance de soutenir nos entreprises locales. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. C'est la chronique de la NCAA avec notre ami Wallet du site internet leblitznfl.com. Salut Wallet! Salut, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Wallet, on va revenir d'abord sur les matchs de la fin de semaine dernière. Il y a eu deux matchs que moi j'ai regardés qui m'ont fait remarquer beaucoup, qui m'ont fait cliquer de l'œil. D'abord, c'est Wisconsin qui ont perdu contre BYU. Ça, c'est une grosse surprise. Oh, Wisconsin, en plus de ça. BYU, c'est une équipe que je pense qu'ils sont dans le MAC, si je me m'abuse bien, dans la conférence MAC. Donc, c'est une grosse surprise, surtout Wisconsin. Oui, effectivement. Juste pour rectifier le tir, là, BYU, depuis, je pense, 3-4 ans, sont rendus indépendants. Donc, ils appartiennent à aucune. Okay. Non, ils appartiennent à aucune conférence, puis dans le fond, ils peuvent choisir les adversaires de leur choix. Effectivement, c'est assez surprenant. Là. Je pense qu'avant le match, les Badgers du Wisconsin étaient favoris par 21 points. Puis là, de se faire battre à la maison comme ça, quand l'équipe est classée 6e au pays. C'est à se poser des questions. J'en parlais justement avec des amis là, hier. Jonathan Taylor, qu'on attendait lui une saison exceptionnelle. Je pense que en ce moment, le gars il est encore très talentueux, mais le support de sa ligne offensive est tout simplement pas là. Puis on peut le voir avec ses statistiques. La même chose là, pour son corps arrière là, qui connaît pas un bon début de saison non plus. Puis pour renchérir à tout ça, pour les fans du Wisconsin, ben ils se déplacent cette semaine, ils s'en vont jouer. Iowa contre les Hawkeyes, qui est un stade qui est très, très difficile à gagner. Donc, la fin septembre pourrait faire très mal aux chances d'éliminatoire pour les Badgers du Wisconsin. Et les Badgers, qui étaient 6e avant le match de la semaine passée, là, j'ai pas été voir leur ranking. Ils sont 18e. Ils sont 18e, donc ils ont chuté de 12 rangs avec leur défaite contre les BYU au Wisconsin. Les Cougars, ouais. OK. Donc, et l'autre match qui m'a fait cliquer de l'œil un peu, c'est LSU contre Auburn. C'est un match, c'est une bonne rivalité entre les deux. Victoire de 22-21 de LSU contre Auburn. Et ce qui est surprenant dans ce match-là, c'est que là, le match se jouait à Auburn. Et ça peut faire mal dans l'ouest de la SEC. Oui, effectivement, tu viens de le mentionner. Là, c'est dans l'ouest de la SEC, les équipes là, ils n'ont pas beaucoup de place à l'erreur, là, surtout non. Quand que tu as Alabama dans ta division, les chances sont que si tu veux faire les éliminatoires, il faut que tu te présentes en Alabama avec une fiche parfaite. Ça étant dit, le match LSU-Auburn, je pense qu'année après année, c'est un peu le match un peu qui dicte qui est le deuxième meilleur de la conférence. Est-ce que je suis prêt à dire que LSU est vraiment meilleur qu'Auburn? Pas nécessairement. Je pense qu'ils ont tout simplement eu un meilleur match samedi dernier. Jared Stidham, le corps arrière de Auburn, n'a définitivement pas connu son meilleur match en carrière là, avec moins de 200 verges, seulement un touché puis deux interceptions. Ceci étant dit, pour ceux qui ont regardé le match, là, je pense que la défensive de LSU va être à prendre au sérieux cette année. Là. Je regarde, mettons, au niveau de la tertiaire, ils ont Grant Delpit, un joueur de deuxième année qui évolue comme safety ou comme maraudeur, je devrais dire, ou sinon au poste de linebacker, tu as Devin White. Les deux gars sont extrêmement dominants. On a jamais l'impression qu'à chaque fois qu'il y avait un gros jeu qui se passait sur le terrain, tu voyais soit le numéro 40 ou le numéro 9 là, qui était pas loin du ballon. Donc, c'est du bon présage pour LSU. Puis, je serais pas prêt à dire qu'Auburn, leur saison est finie, mais il va falloir qu'ils restent parfaits là, d'ici la fin de la saison. C'est parce que là, ils vont jouer à LSU. Ce sera pas facile. C'est plus tard dans la saison. Non, effectivement, je regarde leur horaire, là, puis là, cette semaine, par exemple, ils jouent contre Arkansas, la semaine prochaine, ils jouent contre une équipe de Division 2 du Mississippi, mais par la suite, c'est Mississippi State, après ça, Ole Miss, puis Texas A&M, Georgia, puis Alabama, donc, c'est pas impossible, mais disons qu'ils ont plus de place à l'erreur, là, jusqu'à la fin de la saison. OK. OK. Je veux te parler maintenant du match de la fin de semaine. C'est pas une grosse fin de semaine, hein, comparativement à ce qui va s'en venir la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça va être excellent. J'ai regardé un petit peu le classement la semaine prochaine. T'as deux équipes qui sont dans le top 10 qui vont s'affronter. Si ça change pas, là, le classement. Donc, mais on va parler quand même du match que moi j'ai retenu. C'est un match qui sera présenté à 20h sur les ondes d'ABC demain soir. Stanford contre Oregon. Le match a lieu en banlieue de San Francisco à Stanford. Les Cards les Cards de Stanford. Ils ont une formation quand même qui sont classés 20e. Ils affrontent Oregon qui eux sont 20e et Stanford sont 7e. Et ce qu'on dit d'Oregon, en fait, c'est que c'est un match qui pourrait être très, très, très intéressant. Pourquoi? Parce que Brian Love, d'un côté, qui est un des meilleurs porteurs de ballon du football collégial américain, qui devrait être un choix de première ronde, contre la défensive d'Oregon, qui sont classés au 20e rang dans les 20 premiers contre la course. Tu me disais avant de rentrer en onde que Love est pas sûr de jouer cependant. Ouais, effectivement, là, la semaine dernière, Love s'est blessé, donc son statut pour le match n'est pas déterminé. Je ne sais pas à quel point il est amoché ou si c'est juste une stratégie de l'équipe pour essayer un peu de brouiller les cartes d'Oregon. Mais effectivement, si Bryce Love n'est pas dans ce match-là, ça va avoir un impact majeur sur le match. Puis juste pour rectifier, le match est joué à Eugene en Oregon et non à Stanford dans la fin de semaine. Je pensais que c'est Stanford qui visitait Oregon. Ok, excuse-moi. Exactement, c'est Stanford qui se déplace en Oregon. Ah, ok, ok. Je joue à Eugene, puis pour ceux qui écoutent l'émission du College Game Day sur TSN à chaque samedi matin, ils vont être en direct de Eugene. Donc, c'est comme tu dis, c'est le gros match de la fin de semaine. La défensive d'Oregon, j'en parlais avant le début de la saison, c'est probablement leur force cachée. Oregon, qui sont réputés pour avoir une attaque explosive, qui marque beaucoup de points, qui sont très rapides, mais ils ont finalement une défensive qui est capable d'arrêter la course. Ils ont une offensive qui est pas piquée des verts, là. Quasiment 200 points de marqués depuis le début de la saison avec le corps arrière Justin Herbert qui pourrait lui aussi se faufiler dans la première ronde du prochain repêchage de la NFL. Donc, Oregon, selon moi, devrait surprendre le Stanford là, pour brasser un peu les cartes là, du top 25. OK. Donc, c'est le match qu'on a retenu toutes les deux. Wallet, y a-t-il d'autres matchs que toi qui t'intéressent? Ben écoute, pour ceux qui vont nous écouter en date du vendredi, aujourd'hui, dans le fond, à 10h30 ce soir sur TSN2, je sais que c'est tard, mais Washington State qui affronte USC. Ouais. Washington State qui ont toujours une excellente attaque aérienne, souvent dans le top 5 au pays. Puis d'année en année, ils surprennent tout le temps des grosses équipes au pays, dont USC l'an dernier. Donc ça devrait être un bon match pour ceux qui vont être encore debout. Là. USC qui déçoit énormément depuis le début de la saison. Ouais, une fiche de 1 et 2, leur défaite contre Stanford, une défaite défaite contre Texas. Depuis le début de l'année, ça va pas super bien. Ceci étant dit, USC, je sais pas si on en a déjà parlé ensemble, mais en ce moment, leur corps arrière, c'est un gars qui est supposé être au secondaire, JT Daniels. L'an dernier, dans le fond, en mois de décembre, il a décidé que moi, je vais faire une année et demie en 6 mois d'école, puis je vais m'inscrire tout de suite à USC. Donc, le jeune homme, techniquement, devrait jouer au secondaire en ce moment, puis okay, dans la NCAA, puis il y a un début de saison qui est quand même pas si peu. Donc, je pense que c'est vraiment un travail de transition là, pour cette équipe-là. Puis, ça va être un peu une année difficile pour les fans, mais ils devraient revenir au sommet dans les prochaines années. OK. Moi, je veux te parler de quelque chose. Tu as dit en début d'entrevue, indépendant. Ça, moi, je savais pas comment que ça marchait. Ça veut dire qu'une équipe comme Notre Dame, qui est indépendant, peut choisir son calendrier elle-même. Comment ça fonctionne? Oui, effectivement, dans le fond, comme on le sait, là, dans la NCAA, il y a 10 divisions. Ouais. On considère 5 grosses divisions qu'on appelle le Power 5, puis les 5 moins grosses, le Group of 5. Puis en ce moment, il y a 6 équipes qui sont indépendantes. Notre Dame, Army, BYU, Liberty, UMass, puis New Mexico State. Ça varie parce que dans le fond, les équipes, c'est pas toujours à leur avantage d'être indépendant. C'est avantageux de signer avec une grosse conférence puis d'avoir des gros contrats de télévision puis des gros commanditaires qui te backent. Mais quand t'es une équipe comme Notre Dame qui est une des équipes les plus reconnues aux États-Unis puis à travers le monde. Ils ont leur nom eux-mêmes puis ils font leur argent eux-mêmes. Donc, comme tu disais plus tôt, BYU faisait partie de la, je pense, c'était la Mountain West ou la MAC dans le passé. C'est Mountain West, viens, oui, c'est exactement. Puis, pour des raisons de divergence d'opinion là, avec le reste de la division, ils ont tout simplement quitté. Est-ce qu'ils vont joindre une autre division? Je sais qu'il y avait des rumeurs dans le passé là, quand on parlait là, de prendre de l'expansion avec les divisions, d'avoir des divisions à 16 équipes, que BYU pourrait potentiellement joindre la Pac-12, mais encore là, c'est juste des discussions. Donc, les équipes qui sont indépendantes aussi financièrement, sont pas associées à aucune division. Donc, pour cette raison, ils peuvent... lorsque vient le temps de faire l'horaire, là, de choisir les équipes de leur choix. OK. Donc, ça, c'est quand même... mais comme, comme Notre-Dame, c'est quelque chose qui... C'est pas vraiment avantageux pour eux autres. C'est ça que tu es en train de me dire. C'est avantageux. Ben, c'est parce que j'en regarde l'horaire de Notre-Dame. Ils ont affronté Michigan au début de l'année. Là, c'est Stanford dans 2 semaines, Virginia Tech dans 3 semaines, Pittsburgh après ça. Puis là, en fin d'année... cette année, Florida State sont assez terribles, mais en temps normal, Florida State c'est une excellente équipe, plus Syracuse, plus USC. Moi, je pense qu'ils se tirent un peu dans le pied parce qu'ils sont dans une, ils affrontent des équipes tellement fortes qu'ils finissent leur saison avec une fiche de 9-3 qui est excellente, mais dans une division un peu moins bonne, ils finiraient probablement à 11-1 ou 10-2. Ouais, ok, ok. Donc, Wallet, ça complète pas mal pour la fin de semaine. La semaine prochaine, je suis pas là, je suis en vacances, je prends congé, question de déménagement, on s'en reparle dans 2 semaines. Excellent, profite de la fin de semaine pour décompresser, puis bon déménagement. Donc, Wallet, du site internet leblitznfl.com, vous pouvez le voir également sur, il écrit, il fait un compte-rendu également.